إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وللعلماء في ديننا مكانة عظيمة ومنزلة جليلة وقد ورد في فضلهم والثناء عليهم الكثير من آيات الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين فالعلماء شهود الله على توحيده جل في علاه قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء. كيف وهم ورثة الأنبياء يستغفر لهم لجميل فضلهم وعظيم أثرهم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في حجرها وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتل الإبليس فقد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبر أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عباد الله لما كان العلماء بهذه المنزلة العالية والمكانة السامية كان فقدهم من أعظم المصاب وأشد المصائب، إذ بذهابهم يذهب العلم وينسى وبفقدهم يقل الخير وتكثر الفتن. وذاك حين يجد أهل الجهل والأهواء سبيلا للظهور والتصدر فينخدع بهم العوام ويسير على أقوامهم ما لم يميزهم من أهل الإسلام فيضلون ويضلون. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عبد الله بن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهب أهلي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما مات زيد بن ثابت قال سره أن ينظر كيف ذهب العلم، من سره أن ينظر كيف ذهب العلم فهكذا ذهبوا. وقال لقد دفن اليوم علم كثير. وقد قيل لسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم فموت العالم ثلمة كبيرة، خصوصا مع قلة العلماء، ولا يسدها إلا أن يخلفه غيره من أهل العلم. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى كان يقول موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. عباد الله موت العلماء من أشراط الساعة وسبب لظهور الفتن وانتشار الشر والمحن. عن عبد الله بن مسعود أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهب خياركم وعلماؤكم ف ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام. والله سبحانه وتعالى لهذا يقول في كتابه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وقد قال مجاهد: أيضا هو موت العلماء. قالوا: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يموت عالم منها يموت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكفانها التلف. وقد كان السلف لعلمهم بخطورة موت العلماء وفقدهم وقلتهم، إذا بلغه موت العالم من علماء السنة حزن الحزن الشديد، خصوصا إن كان من المنافحين عن السنة الذابين عن حياضها. قال أيوب: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد به بعض أعضائي. وقال عبد الله بن المبارك: اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، serviteur d'Allah، chaque croyant، chaque croyante. Parfois des malheurs s'abattent sur la nation et sur la communauté, sur les gens, sur terre, d'une manière générale. Certains malheurs, on connaît l'intensité et la gravité du malheur. Et puis, certains malheurs, pour cause d'un manque de savoir ou d'un manque de rappel, alors parfois on ne reconnaît pas la gravité et l'intensité de l'épreuve et du malheur qui s'est abattu sur nous. Parmi les grandes épreuves et les malheurs que parfois on ne médite pas assez et qui s'abattent sur nous et qui font partie des signes de la fin des temps, maut al-ulama, lorsque on commence à perdre les grands théologiens, les grands savants, avec la disparition des grands savants. Alors souvent on ne se rend pas compte du malheur et de la calamité qui s'est produite sur les hommes, sur terre. Mais avec la méditation et la méditation du livre d'Allah, on se rend compte du malheur. Avec la disparition des savants, sachez que c'est une part du bien et de l'héritage du messager d'Allah qui s'en va. Al-ulama warasatul anbiya. Les savants sont les héritiers du prophète. Lorsque les savants disparaissent, c'est une partie de l'héritage qu'a laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disparaît. Et tellement l'affaire est immense, Allah dans un verset nous dit: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. Dans un verset, Allah nous dit: est-ce qu'il ne voit pas qu'on vient avec la terre et celle-ci, ses extrémités se réduisent, dans une traduction littérale du verset. Regardez à l'écoute, lorsqu'on écoute ce verset d'une manière littérale, avec une traduction littérale, alors parfois le sens ne paraît pas. Allah nous dit, ne voient-ils pas, c'est-à-dire les gens, que nous venons avec sa terre diminuée de ses extrémités. Qala Abdallah ibn Abbas, le célèbre compagnon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète avait invoqué pour lui. Il dit, l'interprétation de ce verset, il dit, kharabuha bimawti ulama wa fuqaha'iha wa ahli al-khayr minha. Il dit, la destruction de cette terre, lorsqu'Allah part de cette terre, c'est avec la disparition des ulama, mawtul ulama, wa fuqaha'iha, et les juristes, les théologiens, les érudits, wa ahli al-khayr minha, et les gens de bien. Wa kadha qala Mujahid, et son célèbre élève dit aussi que ce verset, le sens de cela, que l'extrémité de la terre sera diminuée, quel est le sens de cela? Bimawtil ulama, avec la mort des savants. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs pour eux, lorsqu'il y avait la disparition de savants, c'était quelque chose d'immense pour eux. C'était un malheur qui s'abattait sur les gens. À savoir que parmi les mérites des savants, et seuls ceux qui connaissent les mérites des ulama, des grands théologiens, des érudits, de ceux qui détiennent la connaissance, seuls ceux qui connaissent le mérite, alors connaissent la gravité de la disparition des gens du bien. Allah Azza wa Jal prend les savants, dans le Coran, Allah nous informe qu'il prend le témoignage des savants par rapport à son unicité. Allah témoigne qu'il est unique. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah témoigne de son unicité, qu'Allah est seul et unique. Et il prend l'ulama ou al-malaika comme témoin de son unicité. Donc Allah témoigne lui-même de son unicité, de son immensité, de sa majesté, le fait qu'il est seul et unique, sans associé ni partenaire. Et il prend qui comme témoin? Al-malaika, les anges, parmi les habitants des cieux, et les habitants terrestres, il prend l'ulama. Et ça, ça prouve que ce sont les gens de bien. Ce sont ceux qui ont le plus haut degré dans cette vie d'ici-bas. Al-ulama, ahlul ilm. Allah prend leur témoignage pour son unicité. Walidhalika, qala al-ulama. Pour cela, les savants ont dit, par rapport au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que arfa'a an-nas manzilatan 'inda Allah man kana bayna Allah wa bayna 'ibadi kama qala Sufyan ibn Uyayna. Un grand savant disait, les gens les plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui sont entre lui et ses serviteurs. C'est ceux qui sont entre lui et ses serviteurs. Et qui sont ceux qui sont entre notre créateur et les serviteurs? Ce sont les messagers et les ulama. Les messagers sont des intermédiaires. Les prophètes et envoyés d'Allah sont intermédiaires. Ils font partie des hommes pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Sufyan, arfa'a an-nas manzilatan 'inda Allah man kana bayna Allah wa bayna 'ibadi wa hum ar-rusul wal ulama. Il dit donc, ces gens-là sont les messagers et les savants. Les messagers et les savants. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith immense, il nous dit, Allah ne va pas ôter, extraire la science de la poitrine des hommes, mais il va ôter, extraire le savoir, la connaissance ici-bas, avec la disparition des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors les gens prendront comme leader des ignorants, ils poseront leurs questions. Ceux-là seront même égarés et seront cause d'égarement pour les autres. Donc regardez, comment Allah Azza wa Jal va enlever la connaissance sur terre? Pas en l'ôtant, pas en l'enlevant directement des poitrines des hommes, mais cela avec la disparition de ceux qui détiennent la connaissance et le ilm. Et alors ils vont commencer à disparaître. Et les savants ils nous disent, « Min alamat sa'a » parmi les signes de la fin des temps, lorsque les savants, les grands théologiens, ceux qui détiennent la connaissance vont disparaître, alors va commencer à s'installer l'ignorance et se propager sur terre l'ignorance. Et les troubles vont se propager. Et les gens, ils n'auront personne à qui poser des questions si ce n'est des ignorants. Alors ils vont commencer à suivre des gens qui ont aucune connaissance, aucun savoir de la religion d'Allah. Et les gens ensuite seront égarés. Et ces gens-là vont les mener à leur perte. Alors si les gens pensent que des gens qui nous mènent à notre perte, à notre fin, qui nous mènent au désastre, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas un malheur, c'est qu'ils n'ont pas compris alors. Fadl ulama. Et de cela, si on comprend qu'il y a des gens qui sont ignorants, et si tu reviens à eux, ils t'emmèneront vers un désastre, vers ta perte, vers ta fin, vers la déchéance. Si tu ne reviens pas au ulama, si tu ne reviens pas aux gens de science. C'est pour cela que Abdallah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon, qui est devenu l'un des plus grands érudits parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une célèbre parole, il dit « Inna Allah la yaqbidu l'ilm » ou plutôt il dit « Alaykum bil ilm »« Qabla an yuqbad wa qabduhu zahabu ahli » Abdallah ibn Mas'ud nous a fait une immense recommandation pour toutes les générations qui viennent après lui. Il dit « Apprenez la connaissance, allez vers le savoir, allez vers le savoir. » Alaykum bil ilm, prenez ce savoir, cette connaissance, qabla an yuqbad, avant qu'il soit ôté, avant qu'il soit enlevé, avant qu'il soit retiré, qu'il disparaisse. Et il dit, et cela se fera avec la disparition des savants. Alaykum bil ilm. C'est pour cela que lorsque le célèbre compagnon, Zayd ibn Thabit, ce célèbre compagnon que Abu Bakr avait délégué pour réunir le Coran. Lorsqu'il est mort, Abdallah ibn Abbas, qui lui-même était un grand érudit, le plus grand connaisseur de l'interprétation du livre d'Allah, il dit « Man sarrahu an yanzura kayfa dhahaba ahli al-ilm fa hakadha dhahabu » Abdallah ibn Abbas, regardez, lorsque Zayd ibn Thabit, le célèbre compagnon, décéda, il dit « Celui qui veut voir, regardez comment la science disparaît et s'en va, alors qu'il regarde. » C'était la janaza, les funéraires du célèbre compagnon, l'érudit Zayd ibn Thabit. C'est pour cela qu'il dit aussi, « Laqad dufina al-yawm ilmun kathir » Aujourd'hui fut enterrée une science, une connaissance immense. « Hakadha dhahab al-ulama » C'est comme ça, la disparition des savants, « Hadihi musiba » C'est un malheur. Pour terminer, rappelez-vous tous, lorsque vous étiez plus jeune, surtout en France, dans les années, même au pays, au Maghreb, l'ignorance était propagée. En France, dans les années 90, il n'y avait pas quasiment de mosquées. Il n'y avait pas de talabat al-ilm, de gens de connaissance, d'étudiants en science. La majorité des jeunes, prenaient un mauvais chemin. Ils n'avaient pas à qui poser des questions sur la compréhension du Coran, sur l'interprétation du Coran, sur la compréhension des hadiths. Subhanallah. Qui est-ce qui est venu nous illuminer le chemin? Qui est-ce qui est venu nous distinguer le bon chemin du mauvais chemin? Comment beaucoup de jeunes sont sortis de l'extrémisme? Comment beaucoup de jeunes ont été épargnés de l'extrémisme? Kayfa? Comment beaucoup de jeunes ont été sauvés des idées de la pensée de Jama'at al-Khawarij? Des groupes extrémistes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde depuis les premiers temps. Man allamana? Qui est-ce qui nous a enseigné? Man allamana al-Qur'an wal-kitab wa-sunna? Qui est-ce qui nous a enseigné le livre, la bonne compréhension, les bons comportements? Qui est-ce qui nous a enseigné jusqu'à aujourd'hui al-adab wal-khuluq? Où est le bon comportement? Wa adab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous enseigne les hadiths du prophète? Les nobles moralités, les bons comportements. Comment aujourd'hui on arrive à distinguer entre un hadith authentique que le prophète a véritablement dit et un hadith qui est faux, inventé, forgé de toutes parts? Ahl al-hadith, al-ulama. Aujourd'hui on peut distinguer entre un mauvais hadith, un hadith inventé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, d'un bon hadith. Le mérite revient à qui? Hada bifadlillah. Ça, c'est bifadlillah. Allah nous a voulu du bien. Et bisababi, Allah a fait qu'il y a des ulama, il y a des savants. Aujourd'hui, ils répondent à nos questions. Les gens se moquent parce qu'ils sont spécialistes même dans les questions des menstrues pour nos femmes et nos filles. Spécialistes de la jurisprudence et du droit. Je suis désolé, j'ai tardé un peu puisque le sujet est immense et long et ces derniers temps, on commence à perdre beaucoup de ulama. Les plus grands de l'époque de ce temps sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Et les fitan, les troubles sont en train de s'accumuler, de s'intensifier. Alaykoum bil ilm. Revenez à l'apprentissage de la science. Les mosquées sont en train de se vider. Les gens demandent pourquoi il n'y a pas de cours. Mais lorsqu'il y a des cours, il n'y a personne. Aïna haoulaï shabab. Où sont les jeunes? Ils veulent des rappels, ils veulent des cours. Mais lorsqu'il y a des cours, il y a l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de se propager. La ahad illa qilla. Si ce n'est que très peu de frères qui essaient de s'accrocher d'apprendre la religion. Que très peu viennent à la mosquée apprendre la religion. Par contre, beaucoup sont ceux qui répondent aux questions. Et je le dis sincèrement, et moi le premier, nous sommes ignorants. Et je suis peut-être plus ignorant que vous. Moi, je fais juste un rappel. Wa utarjim kalam al-ulama. فَسَلَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنُثَبِّتَنَا جَمِيعًا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحم علماءنا اللهم ارحم علماءنا اللهم ارحم علماءنا اللهم احفظ عقيدتنا اللهم احفظ عقيدتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم سلم اللهم سلم اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك